Bienvenue à toi dans le podcast Business Tester. Donc pour l'instant, c'est le podcast zéro car je vais d'abord me présenter et expliquer de quoi je vais parler sur cette chaîne de podcast. Tout d'abord, je m'appelle Bastien, j'ai 22 ans et je suis en études d'ingénierie. Donc je suis en école d'ingénieur, mais un peu spécial parce que je suis apprenti. J'ai donc la première moitié de la semaine des cours et la deuxième moitié, je suis en entreprise. Donc j'ai à la fois des études d'ingénieur à suivre et en plus un métier d'ingénieur à assumer, donc chaque semaine. En plus de ces études et de ce travail, je suis passionné par tout ce qui est business en ligne et investissement. Ça fait beaucoup de temps que je m'intéresse à ces domaines et je me suis lancé depuis quelques mois maintenant. Donc j'ai créé un blog, businesstester.fr, et j'ai commencé à investir en bourse. Plus tard, dès que je pourrai, j'investirai dans l'immobilier. Enfin, comme tu peux le voir, je ne suis plus dans la théorie, je suis aussi maintenant dans la pratique. Et j'aime partager tout ce que je sais. En fait, j'aime faire profiter les gens de la connaissance que je peux acquérir, comme moi je peux profiter de la connaissance que certaines personnes acquérissent. Donc, comme j'ai reçu beaucoup de connaissances, j'ai envie d'en donner aussi. Et c'est pourquoi j'ai créé non seulement mon blog Business Tester, dans lequel je donne chaque jour des conseils sur tout ce qui est investissement, business en ligne, productivité, santé, etc. Et c'est pourquoi aussi j'ai cette chaîne de podcast dans laquelle je vais parler du coup pareil de business en ligne, d'investissement, de lectures qui m'ont aidé, qui m'ont donné un mindset, de retours d'expérience que je peux vivre. Et je vais sûrement créer une chaîne YouTube pour aborder les mêmes thèmes. Donc, ce podcast va parler principalement de business, donc les business que je peux créer, car comme le nom Business Tester l'indique, en fait je vais essayer de tester tous les business que je peux tester, donc tous les business possibles, que ce soit de l'affiliation, du blog, de la chaîne YouTube, de la vente de formation, de services, etc. Je vais essayer d'englober tous les business que je découvre, je vais les tester. Et je vais faire des retours d'expérience. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire un blog. J'ai commencé à faire de la vente d'informations, mais également des business un peu moins connus, comme la vente de photos. Quand tu fais des photos de vacances, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu peux les vendre. Donc je vais essayer d'englober tous les business possibles, tous les business que je découvre, pour en faire des retours d'expérience et pour le faire découvrir au plus grand nombre. Comme ça, peut-être, qui sait, dans les business dont je vais te parler, il y en aura un qui te parlera plus que les autres, que tu auras envie de tester, et dans lequel tu vas avoir du succès, dans lequel tu vas réussir. Et je serai content, ce sera gratifiant pour moi de t'avoir partagé cette idée et de t'avoir aidé à t'épanouir dans ta vie. Donc ce podcast vise à ça, vise à aider les gens que je peux aider, qui seront intéressés par les domaines qui m'intéressent. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Et j'espère que tu y trouveras ton bonheur. Donc régulièrement, je vais essayer de poster des tests de business. Bien sûr, il y en a qui prendront un peu plus de temps que d'autres. Je ne vais pas parler d'un business que j'ai testé deux jours. Cela va de soi. Et je vais essayer de te partager les lectures qui m'inspirent. Je vais essayer de te faire découvrir un peu ce monde de l'investissement et des business en ligne. Et peut-être qu'un jour, grâce à mes conseils et mes retours d'expérience, tu arriveras à te faire une vie sur mesure. Et c'est vraiment l'objectif que je me vise. Et en parlant d'objectifs, du coup, je vais te parler un peu des miens. Je vais te partager ceux que j'ai pour cette année et en général. Donc, comme je l'ai dit, je suis en école d'ingénieur. Il me reste un peu plus de 2 ans avant l'obtention du diplôme. Mais cette école d'ingénieur, c'est surtout pour faire plaisir à mes parents et pour avoir une sécurité confortable. En fait, c'est un peu comme un parachute si jamais mes activités en ligne ne marchent pas. Donc, j'ai jusqu'à l'obtention de mon diplôme, donc un peu plus de 2 ans, pour réussir à avoir des revenus mensuels équivalents à un salaire d'ingénieur. Donc, on va dire 2500, 3000 euros par mois. Il faut que je réussisse à faire au moins ce montant-là avant l'obtention de mon diplôme pour me prouver notamment à moi-même, mais aussi à mes parents, que ce sont des activités viables, que ce sont des activités pérennes et durables sur le long terme. Donc il faut que je leur prouve que je peux réussir à faire au moins aussi bien qu'un ingénieur, avec des activités qui me parlent beaucoup plus, qui me donnent beaucoup plus de sens. Donc aider des gens avec des formations pour leur apprendre à s'épanouir, à réussir des activités, ou même que ce soit la vente d'e-books ou que sais-je, je vais tout tester et je vais essayer de voir notamment aussi ce qui me parle le plus. Et tout ça dans l'objectif du coup de faire 2 500 € par mois d'ici 2 ans, 2 ans et demi on va dire. Également, l'objectif pour cette année, donc c'est des objectifs pardon, un peu plus modestes. Je vais essayer de générer tout d'abord 200 € en un seul mois, avant du coup le 31 décembre 2020. Je vais essayer de gagner 10% de mon capital en bourse. Donc pour l'instant, j'ai mis 5 000 € en bourse, donc je vais essayer de gagner 500 €. Ça va être mon premier objectif de cette année. Je vais essayer d'investir dans un premier bien immobilier. Je pense pas que ce sera un appartement tout de suite. Je vais viser beaucoup plus petit, comme une place de parking par exemple. Et c'est aussi à ça que va servir mon podcast. Ça va être à te donner des idées auxquelles tu pourrais pas forcément penser. Parce que investissement immobilier, tu penses tout de suite à un appartement, une maison. Mais il y a aussi des manières un peu plus simples, un peu plus modestes, mais tout aussi rentables, d'investir dans l'immobilier, notamment quand t'es étudiant comme moi. Enfin, j'ai un statut un peu spécial parce que je suis quand même apprenti et j'ai à peu près le SMIC chaque mois. Mais tu peux aussi investir dans des parkings, par exemple. Et c'est cette philosophie, ce mindset que je vais essayer de te partager dans mes épisodes de podcast. Donc, des retours d'expérience, des business en ligne, beaucoup de tests de business, c'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais essayer de te partager tout ce que je sais pour que tu puisses t'épanouir et que je puisse m'épanouir en même temps dans une activité qui nous plaît. Voilà. Donc on se retrouve très vite dans mes premiers épisodes. À tout de suite dans le premier podcast.